Ici Jean-Pierre Boivin, préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine. Notre MRC possède un des plus importants parterres forestiers du Québec. Que ce soit pour le travail ou les loisirs, l'avenir de la forêt repose sur son usage multi-ressources. La forêt, c'est notre richesse. À nous de la protéger. Soyons-en fiers. Bon matin tout le monde. Danny Veilleux, le bulletin de sport local et régional. Heureux de vous retrouver après plusieurs semaines de congé. Évidemment, on a eu des problèmes informatiques et maintenant le problème est résolu. Donc, on va parler du bulletin de sport local en parlant d'abord, on a parlé hier dans une entrevue qui sera mise en ligne aujourd'hui avec Samuel Girand. On sait que Samuel Girand est présentement en vacances dans le coin de Roberval. Et dans le premier temps, il est très, très content d'avoir joué avec les Admirals de Milwaukee de la Ligue américaine. Après ma saison avec les Cataractes, là, j'étais bien content d'avoir l'appel pour finir l'année avec le club de Colton Ajout de Admirals. Tu sais, je suis arrivé là-bas, j'ai fait les trois dernières games de la saison régulière, plus j'ai joué deux games en série aussi sur trois matchs. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est un bagage pour moi, ça m'amène d'autres outils pour être meilleur, puis aussi, c'est un autre level, là. C'est quand même professionnel, fait que je suis quand même heureux de pouvoir finir l'année avec eux. OK. Samuel Girand, dans un deuxième temps, a parlé des rumeurs qui l'envoient à une autre équipe. On sait que les Cataractes de Shawinigan sont présentement en période de reconstruction. Ben, c'est nous, en tant que joueurs d'hockey, on ne sait pas vraiment ce qui se passe dans ces choses-là. On contrôle pas vraiment ça. Mais c'est sûr que les Cataractes, ça va être une année de reconstruction cette année. C'est sûr qu'ils rebâtissent. Ils vont vouloir sûrement avoir des choix au repêchage et des choses comme ça. Fait que peut-être que oui, ça se pourrait qu'ils m'échangent. Mais comme on dit, en tant que joueur, on contrôle pas ça. Puis on n'entend jamais parler. Puis ils viendraient nous dire tu vois qu'une monnaie d'échange ou de quoi de même. Okay. C'est moi qui m'échange, qui ne m'échange pas. Ce que je veux, c'est jouer au hockey. Tout ça. Mais comme je dis, là, nous, les joueurs d'hockey, on sait. Et dans un dernier temps, Samuel Girand a commenté l'arrivée de Daniel Renault à la barre des Cataractes de Shawinigan. C'est sûr qu'on nous autres, on a perdu en première ronde. À Shawi, il n'y a personne qui nous voyait perdre en première ronde. Mais c'est sûr que c'est une déception là, de voir le congé de Claude Bouchard. Mais en ce moment, il a réussi à trouver un entraîneur qui va sûrement bien fitter aussi avec l'équipe. J'ai entendu son entrevue l'autre fois, il a l'air d'avoir beaucoup de bagages, puis c'est quand même un psychologue sportif aussi. Fait qu'il peut nous aider aussi là-dessus. Fait que je pense que ça va être bon pour les quatre. Puis je suis pas inquiète, ils vont embarquer. Bonne nouvelle. Maintenant, on sait que le club de golf de Saint-Prime a ouvert ses portes dernièrement et le club a annoncé ce matin que les 18 trous sont maintenant praticables. Donc c'est une bonne nouvelle pour les golfeurs à Saint-Prime. Et dans un deuxième temps, on a aménagé un petit peu plus le chemin se rendant de la 169 au club de golf. On sait que le montant initial était de 300 000 $ pour réparer le chemin. Par contre, Gilles Larouche a annoncé ce matin dans radiosport.com que le montant a été finalement plus bas. Et en terminant, on va parler de baseball. Les Voyageurs de Jonquière ont joué trois matchs en fin de semaine, une victoire et deux défaites. Ils ont perdu d'abord contre l'équipe l'ABC 17 par la marque de 4-3 et 1-0 avant de l'emporter 9-5, toujours contre cette même formation. Le sport local et régional, à danradiosport.com, on s'en occupe.